الجنة. الجنة التي ساق إليها الصالحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أما بعد، نلتقي مرة أخرى في هذه الليلة المباركة ونستمر في الكلام على فضل القرآن ومنزلة القرآن وكيف هو حالنا مع القرآن، وهل نحن من الذين يقرؤون القرآن ويتأملون في آية الله سبحانه وتعالى، أم نحن من الذين يحق عليهم قول الله عز وجل وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Donc on continue dans l'explication et dans ce qu'on a vu dans notre prêche du vendredi, comment tuer avec le livre d'Allah Azza wa Jal. Quelle est la dernière fois que tu as lu le livre d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que tu le lis du vendredi comme on a vu? Est-ce que tu le lis du vendredi au vendredi? Est-ce que tu le lis du ramadan au ramadan? Et on a vu plusieurs hadiths et on a vu plusieurs versets où le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam nous montre le mérite du Coran. Taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu falan hadi lil mustaqbal falan tadillu ba'di abada kitabullah wa sunnati. J'ai laissé derrière moi en vous deux choses, tant que vous accrochez à ces deux choses vous serez jamais égaré. Donc tant que tu t'accroches au livre d'Allah Azza wa Jal et tant que tu t'accroches à la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, dis-toi que tu ne seras jamais égaré. Et le prophète alayhi salatu wa salam dans un hadith, il dit khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Et qu'il l'enseigne. Et dans un hadith aussi, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit lisez le Coran, iqra'u al-Qur'an. Lisez le Coran, iqra'u al-Qur'an, fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah shafi'an li ashabih. Lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection pour s'intercéder pour toi, pour te défendre. Et on va voir que dans un hadith, le Coran, il parle. Et tu dois y croire. Il parle, on ne sait pas comment il parle, le Coran, mais le jour de la résurrection, il parle, le Coran. Kitabullah yatakallam, tidaf alik. Yashfa'u laka inda Allah azza wa jal. Yashfa'u laka inda Allah azza wa jal. Wa qala Allah azza wa jal, inna nahnu nazzalna al-zikra wa inna lahu lahafidhun. فالذكر هنا الكتاب والسنة كما قال المفسرون. كتاب الله عز وجل محفوظ، تكفل الله عز وجل به أن يحفظه، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام محفوظة، كتاب الله محفوظ. وكما رأينا أن عمر، رواية صحيحة أن عمر كما جاء في كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي رحمة الله عليه، أن عمر حافظ سورة البقرة في مدة 12 سنة، وهذا هو الصحيح. ثم نظر جزورا ذبح، نكمل سورة البقرة، شكرا لله ذبح 12 سنة هو يحفظ سورة البقرة. الهمة ديالك يعني 12 ans pour apprendre سورة البقرة 12 ans ici عمر بن الخطاب رضي الله عنه c'est pas qu'il était pas intelligent ou il avait pas une forte mémoire pour apprendre عمر بن الخطاب رضي الله عنه c'est que à chaque fois qu'il apprenait des versets c'est que il méditait ces versets ensuite il les mettait en pratique ça sert à rien d'apprendre ça sert à rien de prendre le Coran et quand tu le prends ton objectif c'est pas de le terminer arriver à la dernière fois et c'est bon t'as terminé et tu fais de la khatm al-Qur'an non c'est pas ça ton objectif comme ils disent les savants إذا قرأت كتاب الله عز وجل فليكن همك ما في القرآن لا ختم القرآن si tu lis le Coran mais quoi je hemmek juste pour clôturer le livre d'Allah عز وجل et terminer de dire ouais j'ai terminé je l'ai lu en entier ils disent que همك يعني l'envie et ton objectif c'est quoi c'est de méditer ce qu'il y a dans le Coran méditer ce qu'il y a dans le Coran من قرأ من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف حرف لا أقول ألف حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف تماجين خالف pour chaque lettre que tu lis dans le Coran t'as une حسنة et la حسنة elle voit combien elle voit 10 elle est multipliée par 10 donc quand tu dis ألف لام ميم c'est pas un حرف pas une lettre mais alif est une lettre donc h donc une hasana qui multiplie par 10 ensuite lam ensuite mim donc en tout ça au total on arrive à combien 30 hasana on arrive à 30 hasana et on a vu que Ibn Mas'ud radiallahu anhu comme il a rapporté il a dit cherche ton cœur pour voir s'il est touché s'il bouge, s'il ressent quelque chose, cherche-le à trois endroits. Cherche ton cœur à trois endroits. Lorsque tu entends le Coran, c'est-à-dire pendant les prières à voix haute, c'est-à-dire quand tu le lis toi-même, tu cherches ton cœur, tu regardes si tu ressens quelque chose. Quand tu entends le Coran ou que tu le lis, et quand tu es seul, c'est dans une assise où on invoque Allah Azza wa Jal comme celle-ci. Il dit, si tu n'arrives pas à trouver ton cœur dans ces endroits-là, dis-toi que tu n'as pas de cœur. Dis-toi que tu n'as pas de cœur et demande à Allah Azza wa Jal qu'il t'offre un cœur, car tu n'as pas de cœur. Allah Azza wa Jal dit, « أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا » Surat Muhammad. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا Et si il était d'une autre personne que d'Allah Azza wa Jal, ils auraient trouvé à l'intérieur plusieurs contradictions. Et dans le livre d'Allah, t'as pas de contradiction. Mais dans le livre d'Allah Azza wa Jal, t'as pas de contradiction. T'as pas de contradiction. Si tu trouves qu'il y a une contradiction dans le livre d'Allah, c'est toi qui a une contradiction dans ta tête. Ou t'arrives pas à comprendre. Mais au livre d'Allah Azza wa Jal, il n'y a pas de contradiction. Et Ibn Mas'ud, on continue avec Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, quand on lui a dit, rapporte-nous, conseille-nous, un homme est venu le voir, il lui a dit, conseille-moi, allimni kalimat jawami'un nawafi'a, il dit, apprends-moi quelques mots qui sont courts, mais qui portent en eux et beaucoup de sens. علمني كلمات جوامع النوافع. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Mas'ud رضي الله عنه? Il lui a dit adore Allah et n'associe rien à lui. Combien de choses? وَعْبُدِ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا. Ensuite, il lui a dit tourne-toi là où le Coran se tourne. Tourne-toi là où le Coran se tourne. Ça veut dire quoi? Tourne-toi là où le Coran se tourne. C'est-à-dire à chaque fois que Allah Azza wa Jalla t'ordonne de faire une chose, te soumets. Allah te dit de venir prier le vendredi, tu viens prier le vendredi. Allah te dit de faire la prière, tu fais la prière. Allah te dit de ne pas boire l'alcool, tu ne bois pas l'alcool. Allah te dit de... Donc tu t'arrêtes à ce que Allah Azza wa Jal t'a ordonné de faire. Donc tu fais ce que Allah t'ordonne de faire et t'arrêtes et tu t'abstiens à ce que Allah Azza wa Jal t'a t'as désordonné, de faire, t'as interdit de faire. Donc, quand on a demandé à Aïcha radiallahu anha, comment elle était, comment était le comportement du prophète alayhi salatu wa salam. Elle a dit son comportement était le Coran. Kana khuluquhu al-Qur'an. Donc c'était, et d'autres sahabas ils disaient comme quoi c'était un courant qui marchait sur terre. C'était un courant qui marchait sur terre. Et le jour du vendredi, j'ai vite fait parler, j'ai parlé des États-Unis. J'ai parlé des États-Unis. Pendant 10 ans, ils essayaient de prohiber, ils ont interdit l'alcool pendant 10 ans. De 1920 jusqu'en 1930. De 1920, de 1930. Ils ont interdit l'importation de l'alcool. Ils ont interdit l'exportation de l'alcool. Ils ont interdit, il y avait quoi? Il y avait des bars souterrains, clandestins. Les gens buvaient de l'alcool en cachette. Il y avait des milices, il y avait une police, une brigade à traquer les gens qui buvaient de l'alcool. Et ils sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés 10 ans à Chosnay. Alors que les musulmans, si tu regardes un verset qui est descendu, إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. Donc Allah Azza wa Jalla verset, il a prohibé l'alcool, donc il a dit éloigne-toi-en. Et en arabe, quand on dit éloigne-toi-en, c'est plus et c'est plus fort que quand Allah Azza wa Jalla te dit ne le fais pas ou ne le bois pas. C'est pire, c'est que tu dois être une table où on boit de l'alcool, tu t'en éloignes. Fajtanibuh. À la fin du verset, Allah Azza wa Jalla, il dit فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Est-ce que vous allez cesser? C'est-à-dire cesser de boire l'alcool? Omar radiallahu anhu, il dit انتهينا يا رب انتهينا يا رب. On cesse, on arrête, on arrête, on arrête. Un verset. Alors que l'Amérique, tu vois, au jour d'aujourd'hui, on peut le dire, tu vois, c'est la première force dans le monde. Ils n'ont pas réussi à arrêter l'alcool. Ils n'ont pas réussi. Chaque Franklin Roosevelt, il est arrivé. Il est arrivé dans les années 1933. Et c'est là où il a remis la loi comme quoi les gens ils peuvent boire l'alcool, ils peuvent vendre l'alcool. Donc, subhanallah, un verset. Et ce verset, quand il est descendu, Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, j'étais, ce soir-là, quand le verset est descendu, j'étais chez Abi Talha al-Ansari. J'étais chez lui et on buvait l'alcool. Donc, l'alcool, à ce moment-là, elle n'était pas interdite. Donc, les gens, ils la buvaient. Kana yasqi al-qawm. Il était en train de les servir. Et quand subhanallah, le verset il est descendu, Abu Talha al-Ansari l'a ordonné à Anas, il lui a dit prends toutes les gourdes ou toutes les bouteilles, si tu veux, et il a dit verse-les. Verse-les droit, c'est bon. Jusqu'à ce qu'on rapporte que la personne a lavé le verre à la main, quand le verset est descendu, c'est bon. Même pas la gourde, même pas le dire c'est bon, je vais finir ce verre, c'est bon. Non, pas vrai. Il n'est pas donné à un croyant ou à une croyante, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur décision. Tu n'as plus le choix. Allah a décidé d'une chose, tu soumets aux ordres. Et c'est ça la soumission. Et la soumission, c'est une condition de la ilaha illallah. C'est une condition de la ilaha illallah. Jusqu'à ce que Anas il dit, il y avait comme des ruisseaux d'alcool qui coulaient dans Médine. Tellement tu vois les gens, tous, ils ont versé l'alcool. Pour te dire que ici, subhanallah, quand le sahaba y avait inversé, c'est bon, il l'a foutu. Comme a dit Ibn al-Abbas, l'allahu Ibn al-Abbas, il a dit « Rubba qari'in lil-Qur'an wal-Qur'an wil-anwa ». Il a dit peut-être qu'on trouve certains qui lisent le Coran, et le Coran les maudit. Wazani wazaniya, wa rubbama lakana qadifan. Il parle sur les femmes, donc Ibn Abbas dit rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'an yal'anu. Le Bukhari rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam, dans une longue histoire que je vais vite fait y passer, en bref, c'est qu'il y avait deux hommes de Banu Israël. Il y avait deux hommes de Banu Israël. Et l'un il est venu voir l'autre. Il lui a dit, j'ai besoin de 1000 dinars. Il lui a dit, j'ai besoin de 1000 dinars. La personne, elle lui a dit, je les ai, moi je suis prêt à te prêter. Il lui a dit, on prend un témoin. Il lui a dit, kafa billahi shahida. Il lui a dit, on prend un wakil. Il lui a dit, un kafil. Il lui a dit, kafa billahi kafila. On prend un témoin. Allah nous suffit comme témoin. Il a fait, on prend quelqu'un comme garant. Allah est notre seul garant. À part 1000 dinars, la personne est partie. Il lui a dit, voilà, à tel jour, je vais te les rendre. Donc, le jour est arrivé, il y avait une mer entre les deux personnes. L'autre habitait de l'autre côté de l'île et l'autre était dans une autre île. Donc, lorsqu'il est arrivé, bon, c'est le jour J, il attend son butin, il attend son argent. Ce jour-là, il y avait une aseva, une tempête, les bateaux ne sont pas sortis. La personne, elle attend, elle a l'argent dans la main pour la ramener à son frère. L'autre est de l'autre côté. L'autre, il dit, la hawla wa la quwwata illa billah. Regarde. La personne, ta'ahadna amam Allah azza wa jalla. Il m'a prêté de l'argent. Notre garant, c'était Allah. Notre témoin, c'était Allah. Là, je suis là en train d'entendre les paroles. L'autre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pareil. Allah, mon intention, c'était de rendre l'argent le jour J. Là, je suis, il n'y a pas de barque. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'argent, il a pris un tronc d'arbre, il l'a ouvert, il a mis l'argent vers le kiss, vers le philosophie. Ensuite, il a pris le tronc d'arbre, et il a dit, Allah Azza wa Jal, tu sais mon intention et je voulais lui rendre, faire en sorte que tu lui rendes cet argent. Et l'a jeté dans la mer. L'autre, il attend. Le tronc, il est arrivé, il a pris le tronc d'arbre, et il est parti pour le couper et se réchauffer avec ses enfants. L'histoire, elle est de Sahih al-Bukhari, elle est longue. Quand il est parti voir ses enfants, ils l'ont ouvert et ils ont trouvé le cul. Avec une lettre, هَذِهِ دَرَاهِمُكَ. C'est pour ça que quand je vous dis, تَعَمَلْ مَعَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ إِنْ تَصْدُقِ اللَّهِ اللَّهُ يَصْدُقُكَ. Si tu te comportes avec vérité et t'es véridique dans tes actions envers Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal sera auprès de toi. إِنْ تَنْصُرُ اللَّهِ يَنْصُرُكَ. Si tu fais triompher Allah Azza wa Jal, Allah te fera triompher. Il lui a dit, voilà ton argent. Tes 1000 dirhams. Il y a 10 jours qui sont passés. Donc, la mère, elle se calme. L'autre, il prend le bateau. Celui qui a reçu l'argent. Il prend le bateau et va de l'autre côté. Il demande aux gens, est-ce que vous avez vu un tel? Oui, on l'a vu. Le jour un tel, vous l'avez vu? Oui, il était là. Et il dit, comment ça se fait qu'il n'est pas venu me voir? On s'est donné rendez-vous. On a prié comme Allah, comme garant, comme témoin. Pourquoi il n'est pas venu me voir? Quand l'autre il l'a vu, il lui a dit, ce qui m'a empêché de venir, c'est qu'il n'y avait pas de barque pour venir te voir. Il lui a dit, est-ce que tu m'as envoyé quelque chose? Il lui a dit, je t'ai rien envoyé. Subhanallah. Il lui a dit, est-ce que tu m'as envoyé quelque chose? Quand je vois, il oui, je t'ai envoyé. Il lui a dit, je n'ai rien envoyé. Voilà, c'est le flou. Il lui a dit, je n'ai rien envoyé. Qu'est-ce qu'il lui dit l'autre qui a reçu l'argent dans le tronc d'arbre? Il lui répond, tu peux partir, ton garant et ton témoin, il a prié pour toi. Ton garant et ton témoin, il a prié pour toi. Sahaba, dans Sunan ibn Majah, Sahaba, ils étaient avec le prophète, ils étaient en train de chamailler entre eux pour voir qui était le meilleur. Wesh hadak, les. يعني صدق مع الله عز وجل يعني هذاك دار الفلوس وصيفها وما قالوش راني صيفط لك الفلوس وهذاك ما كذبش عليه كان يمكن له يكذب عليه يقول له ما خلصني مين الجيران مين الجيران اللي صاوم دونك سيت ان تخان دو تسامايي كي لو ميور انتر لي دو لوك ايتي فيري دي كيتي سانسير il a envoyé l'argent il a pas dit qu'il l'a envoyé et l'autre il était sincère il lui a dit comme quoi il a reçu l'argent il pouvait très bien dire non je l'ai pas reçu فهم لكن هذا كل شيء تعاملوا مع الله عز وجل تعاملوا مع الله وهذا هو التوكل هذا هو التوكل ça c'est quoi tu lis des versets dans le fait de remettre ta confiance en Allah عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال ابن القيم فهو كافيه ووافيه il te suffit Tu remets ta confiance en Allah Azzawajal, Allah te suffit. C'est ça. Ils se sont basés sur quoi? Sur ce verset. Allah me suffit. Kafa billahi wakila. Kafa billahi shahid. Kafa billahi kafir. Donc pour te montrer, comme quoi, ils s'arrêtaient, ils appliquaient les versets que Allah Azzawajal faisait descendre. Et on a aussi l'histoire Qisat ibn Abza. Omar ibn Khattab radiallahu anhu safara wa taraka rajulan fil Kufa. فلما جاء الرجل الذي استأمره على الكوفة قال له من استأمرت بعدك؟ قال له استأمرت مولى الإسكلاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلجي استخلفت مولى؟ من استخلفت على أهل الوادي؟ استخلفت تلسي الإسكلاب كي va les diriger, qui va les conduire, il va donner des ordres, t'as laissé un esclave. هذا عمر يتكلم. قال الرجل ولكن إنه حافظ لكتاب الله. مش حامل, حافظ لكتاب الله. أي يتوقف عند حدوده. حافظ لكتاب الله وعالم بالفرائض. يكون très bien les obligations d'Allah عز وجل. فقال عمر أما إن نبيكم عليه الصلاة والسلام قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. أما إن نبيكم قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. الله عز وجل في اللوفي. الله عز وجل في اللوفي. ceux qui ont reçu ce Coran, qui l'ont appris, il les fait lever درجات في الجنة إمام dans la vie ici-bas. Il te fait lever Allah Azza wa Jalla. T'as de l'importance, t'as du mérite. Ali radiallahu anhu, il dit la science est meilleure que l'argent. Au jour d'aujourd'hui, ce qui vaut et ce qui est important, c'est quoi? C'est l'argent. T'as de l'argent, tu vaux quelque chose. T'as pas d'argent, tu vaux rien. Hada huwa al-mizan. C'est avec ça qu'on pèse les gens. On les pèse parce qu'ils travaillent. On les pèse parce que un dominateur a bénéficié d'un tel. On les pèse parce qu'il est. Et ainsi de suite. Alors que dans la religion, c'est quoi? Première chose, c'est la piété. Taqwa Allah Azza wa Jal. Et ici, c'est quoi? Le Coran. Le mérite de connaître des versets. Dans un hadith, wa fihi maqal. Celui qui n'a pas de Coran dans sa bouche, dans son cœur, il ne connaît pas le Coran, il ne connaît pas les versets, il ne connaît rien. C'est comme la maison qui est vide. Est-ce qu'elle est belle une maison vide, sans décoration, sans fauteuil, sans... Est-ce qu'elle est belle? Non, elle n'est pas belle. Et quand tu mets de la déco, tu mets des fauteuils, tu mets un vase, tu mets... Hein, elle devient belle la maison. Hein, tu mets un tapis, hein, tu mets un écran plat... Elle est belle la maison. Le prophète Al-Hassan te dit c'est pareil. Pour celui qui ne connaît pas le Coran, c'est comme une maison vide. C'est comme une maison vide. Quel bait il kharib. Vide. Et les gens de science ils disent on fait de la place à trois catégories de gens. Tu vois, c'est un majalis, les salaires. Quand on est assis comme ça, on est dans une assise. On fait de la place à trois sortes de personnes. C'est une personne qui rentre et qu'elle fait partie de ces gens-là, pas dans la mosquée, elle est dans une assise, et qu'on est entassé, et qu'une personne arrive, trois catégories de personnes, on leur fait de la place. Nous, Gilles, tu leur fais de la place, c'est la meilleure place que tu les sens faire. Je connais le haut. Hamilun, mais Hamilun, Kitabillah. Celui qui connaît le Coran, on lui fait de la place. Tu vois, c'est le Hamil, Hamil le Coran. Ensuite, Sahibul Hadith. Celui qui connaît les hadiths du prophète, alayhi sallam. Celui-là, tu te comportes bien avec lui et tu lui fais de la place quand il vient dans une assise et qu'il rentre. tu donnes la meilleure, tu lui donnes la meilleure des places. Ensuite, la troisième personne, c'est qui? Walidhi shaybatin fil islam. Walidhi shaybatin fil islam. Une personne âgée, hadith, tkarma, ojibao, kilisa, jibasa, mkhaya. واحد كبير في السن تجيبو اجير حاجه هكا وتجيبو تقول توسعوا المجالس لثلاث احفظوها توسعوا المجالس لثلاث حامل القران صاحب الحديث ولذي شيبه في الاسلام وقال الله عز وجل ولقد يسرنا القران للذكر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. Ici, c'est quoi la traduction? Est-ce qu'on a, et on a rendu facile, on a rendu le Coran facile à apprendre, à invoquer, à lire. On a dit, yassarna le Coran et les zikr. Fahal min muddakir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se rappeler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se rappeler et prendre ce Coran et le lire? Fahal min muddakir. Wa qala subhanahu wa ta'ala, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Ici, هو خير مما يجمعون. Ici, ابن عباس رضي الله عنه il a dit, فضل الله هو القرآن. فضل الله هو القرآن ورحمته هو الإسلام. قل بفضل الله أي قل بفضل القرآن. وبرحمته وبالإسلام فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وفي رواية هو خير مما تجمعون خطابا للكافرين خطابا للكافرين. وكما رأينا أن القرآن يتكلم يوم القيامة on a vu que le Coran parlait il te défend le jour de la résurrection. Mais quand tu le prends, tu le mets devant toi, tu ne le mets pas derrière toi. Non, tu le mets devant toi. Et t'appelles à ce courant. Et il y a plusieurs formes, je ne rentre pas dans les détails du fait de délaisser le courant. Et quelles sont les formes du délaissement du courant dans la méditation, hein, dans le fait de le mettre en pratique, dans la lecture, dans le fait de se guérir avec. Donc il y a plusieurs formes de délaissement du courant. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Je reviens au fait que le Coran te défend le jour de la résurrection. Allah Azza wa Jal, comme il a rapporté à Tirmidhi, il a rapporté que le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, il dit le jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal ramène la personne qui lisait le Coran abondamment dans la vie ici-bas. Le Coran, il dit « Ya Rab, hallihi » فيلبس تاج الكرامة. Le Coran il dit, Ya Allah, mets-y une couronne. Habille-le. Le Coran dit, habille-le. Habille cette personne. Allah Azza wa Jal lui met une couronne. Ensuite le Coran il dit, zidhu. Le Coran parle, il dit, rajoute-lui. فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب Ensuite il l'a dit. Ensuite le Coran dit, Ya Allah, sois satisfait de lui. Sois satisfait de lui. Fayardallahu anhu. Allah Azza wa Jalla est satisfait de lui. Donc c'est ici que, comme on a vu, il s'intercède pour toi, il te défend. Il te défend. Comme quoi tu lisais, tu es parmi les gens qui lisaient le Coran dans la vie ici-bas. Innama al-mu'minun al-ladhina idha dhukirallah wajidat qulubuhum. C'est-à-dire que leur cœur, il se déplace. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Donc c'est des gens, quand tu leur lis des versets du Coran, leur foi elle augmente, leur cœur il bouge. Et dans ce verset, on a une preuve comme quoi la foi elle augmente. Pour qu'ils se rajoutent de la foi avec leur foi. يَزْدَادُ إِيمَانًا مَا إِيمَانِهِ. Et dans Sahih al-Bukhari, Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte que le prophète alayhi sallallahu alayhi sallam كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. Le prophète alayhi sallallahu alayhi sallam Il était généreux. Et il était plus généreux dans le mois du Ramadan. Pendant le mois du Ramadan. Durant le mois du Ramadan, le prophète alayhi était très généreux. Fayalqahu Jibril. Donc ici, l'ange Gabriel venait le voir. Wa kana yaqra'u alayhi al-Qur'an. في كل ليلة ويقرأ النبي عليه الصلاة والسلام القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فمرة يقرأ جبريل عليه السلام ومرة يقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام وفي العام الذي قبض فيه النبي عليه الصلاة والسلام دارسه جبريل في رمضان مرتين il a revu le Coran avec le prophète عليه الصلاة والسلام Jésus il a revu le Coran avec le prophète عليه الصلاة والسلام la dernière année où le prophète allait mourir, il a revu le Coran avec lui deux fois. Et parmi les anecdotes que Sahaba radiallahu anhum avaient dans leur lecture du Coran, comme Ibn Mulayka, il rapporte que Ibn Abbas radiallahu anhum, quand il lisait le verset d'Allah Azza wa Jal, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Quand en fait la mort, l'agonie de la mort à l'arrivée, c'est ce que tu te méfies. C'est la chose dont tu t'évadais et dont tu fuyais. Donc la mort, c'est la plus grande des vérités. Il tombait, il pleurait jusqu'à qu'il tombait. Et dans une réwa, il y a Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, quand il a lu un verset, comme il a dit Abdullah ibn Shaddad, il a dit une fois, j'ai prié derrière Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, et j'ai entendu en fait ses pleurs. Depuis la dernière rangée, lorsqu'il est arrivé à la parole d'Allah Azza wa Jal, Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Surat Yusuf. Il est tombé. Il pleurait jusqu'à qu'il est tombé. Et dans d'autres versions, il pleurait jusqu'à que il rentrait chez lui pendant 2 jours, on ne le voyait pas jusqu'à qu'on allait lui rendre visite. Il tombait, jusqu'à qu'on le pensait qu'il est malade. Jusqu'à qu'on disait, il est malade. Et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, c'est quoi la cause? Sa cause ou la cause pour qu'il puisse rentrer dans l'islam. Le Coran. La cause de sa rentrée dans l'islam, c'était le Coran. C'est pas de da'wah, c'est pas une personne qui est partie le voir et lui a dit non. Il a entendu des versets. Il partait voir le prophète alayhi pour le combattre. Et sur le chemin, il lui dit où tu vas? Il lui dit ouais, je vais aller voir le prophète pour le combattre. Il lui dit d'abord retourne voir ta sœur, elle est rentrée dans l'islam. Il lui a dit, ma soeur, elle est rentrée dans l'islam. Il est parti la voir. Et elle était à l'intérieur avec son mari et Khabbab ibn al-Haris. Il leur apprenait le Coran. Et quand il est rentré, il l'a tarté, chacun l'a jeté par terre. Quand Jabbar, il était dur. Il faisait des combats avec les Quraïchites. Des combats comme ça, des combats, il se battait avec eux. Il le redoutait. Il était redoutable. Il a mis une claque jusqu'à ce qu'elle est tombée, elle s'est mise. Et il a voulu prendre le Coran. Elle se lève et elle se jette sur le Coran. Elle a dit, tu ne le touches pas. C'est impur. Va te laver, reviens. Il est parti se laver, il est revenu. Il a ouvert le Coran. Il a dit quoi? Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. Quand ces versets, quand il a lu ces versets, c'est comme si des flèches, hein, c'est comme, je sais pas, c'est comme un truc, c'est à l'intérieur, c'est, je ne veux pas les. Il a dit à sa sœur, il a dit à Khabbab ibn al-Haris, c'est de ça que les mécréants de Quraysh, ils ont peur. Ils ont peur de ça. Amin hadha tafir Quraysh, c'est de ça qu'ils ont peur, c'est de ce courant. Ils ont peur. Et là, il a dit, il est le prophète Ali, ça, je vais le voir. Ça, c'est des versets. Si tu médites dans ces versets, traduire mot à mot le Coran, Il est parti voir le prophète, alayhi salatu wassalam, à la haye. Quand il est arrivé, il a toqué. Il avait son épée. On vient regarder qui est à la porte. Omar ibn Khattab. On part. Ya Rasulallah, innahu Omar. Il y a Omar qui vient nous voir. Hamza, il vient de rentrer 3 jours avant dans la religion. Il lui a dit, laisse-le rentrer. S'il vient, il veut du bien, marhaba. Ou sinon, j'ai mon épée, je lui tranche la tête. إن أراد خيرا فمرحبا وإن أراد غير ذلك فسأضرب رقبته. Quand il est rentré, il a dit je veux voir le prophète عليه الصلاة والسلام. Le prophète عليه الصلاة والسلام s'est levé, il est venu le voir. Et il a attrapé, il lui a dit أما أن il n'est pas arrivé le moment où tu reviens et que tu rentres dans la religion. أما تخشى أن تنزل عليك طائقة un fracas, tu veux pas que Allah te fasse descendre sur toi un fracas. Et subhanallah, avant ça, avant qu'ils viennent voir le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Khabbab al-Arith, on revient à la maison quand ils étaient chez sa sœur, elle lui a dit le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait une invocation. Il disait Allahumma ansur hadha ad-din bi ahad ar-rajulayn Abi al-Hakam Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Allah Azza wa Jalla, le prophète Hassan faisait une invocation, il dit Allah fait triompher cette religion avec un homme parmi les deux hommes, soit Abi al-Hakam, soit Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Donc quand il a entendu ça, quand il a dit ça, il a été touché. Quand le prophète il a attrapé, il a fait un, il est pas, tu vas pas t'arrêter et rentrer dans l'islam et t'arrêter tes conneries. Il a fait ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad al-Rasul. Il est parti voir Abu Jahl, la plus grosse tête de mécréance. Et il est parti, il a toqué. Et il est sorti. C'est quoi qui t'amène? Il lui a dit, oh, tu connais pas la dernière? Non, c'est quoi? Ya Abu Allah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad al-Rasul. Il est parti voir d'autres maisons, de grosses têtes de mécréance. Il leur a dit, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad. Jusqu'à ce qu'il a dit, c'est qui la personne qui sait répandre les nouvelles. Donc, toujours une personne qui sait répandre les nouvelles. À chaque fois qu'il y a un truc, il court à droite, à gauche, voilà, il y a ci, il y a ça. Et là, après, il a dit, oh, tu cours et tu dis à tout le monde que je suis rentré dans l'islam. Les sahaba, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, on est fiers de nous depuis que Omar ibn Khattab est rentré dans l'islam. Depuis que Omar radiallahu anhu est rentré dans l'islam, on a peur de rien. Ce qu'il nous redoutait, c'était fort. Donc tout ça pour vous dire que des versets, quelques versets. Toi tu lis, قُلْ وَاللَّهُ أَحَدْ, tu dis قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Est-ce que tu t'es demandé un jour qu'est-ce que ça veut dire ou est-ce que tu les lis comme ça? Est-ce que tu sais leur sens? Est-ce que tu sais pourquoi, quand est-ce qu'ils ont été descendus? Est-ce que je suis venu pour le faire? Comme ça. Est-ce qu'un jour tu dis, ouais, je veux comprendre pourquoi elles ont été descendues? Et c'est quoi leur sens? Est-ce que toi, tu appelles à ce courant? Est-ce que toi, tu appelles à ce courant? Sans parler des musulmans. On a vu que des animaux ont été touchés par le courant. Des animaux. Qissat Usayd ibn Khudayr. Que le Bayhaqi l'a rapporté et que le Bukhari l'a rapporté aussi. Il lisait un soir le Coran. Et il avait des chevaux à côté de lui. Les chevaux commençaient à bouger, à trembler, à crier. Il s'arrête de lire, les chevaux s'arrêtent, se calment. Il reprend la lecture, les chevaux reprennent. T'imagines des bêtes à ça? Des bêtes, des animaux. Comme c'est là, on appelle. Des animaux sont touchés par le courant quand ils entendent une montagne, des pierres sont touchées et quand tu lis le courant sur une personne, ça ne lui fait rien. Il est parti voir le prophète alayhi sallam et en allant voir le prophète alayhi sallam, il a levé la tête, il a vu un nuage près de sa tête avec masabih, avec des lumières. Et il a raconté l'histoire au prophète alayhi sallam, il lui a dit « Iqra ya Usayd » اقرأ يا أسيد فتلك السكينة نزلت عليك في رواية الملائكة نزلت عليك les anges sont descendus, il a dit continue à lire Il avait si tu aurais continué à lire jusqu'au lever du soleil, El Malaïka, les anges te regarderaient, les gens regarderaient aux anges directement. Regardez l'histoire de Omar ibn Khattab quand il est parti libérer le Quds et prendre les clés. Sur le chemin, c'est pas il s'est raconté des histoires, il discutait dans la dunya. Il lui dit, il a été avec son esclave et un chameau. Il lui a dit, on va partager la route en trois. Premier morceau, tu montes sur le chameau et moi je marche. Deuxième morceau, tu descends, moi je marche. Le troisième morceau, ça y est, M. Mertah. D'accord ? Et sur le chemin, il faisait quoi ? Il disait, monte. Il dit, Salat al-Baqarah, quand tu termines, tu descends, Inch'Allah, et moi je monte, je continue à l'Imran. Il dit comme ça, sur le chemin. Ghazwa Dhatu al-Riqa', Yas ibn Ammar et Abbad ibn Bishr. Ils étaient, le prophète alayhi wa sallam, il les a ordonné de se mettre à l'entrée d'une rivière. En fait, il y avait un chemin entre deux montagnes et il leur a dit, vous prenez la garde devant l'entrée. Pendant cette nuit. Les deux hommes, ils se sont dit quoi ? Abbad, il dit à Ammar, t'aimes quoi ? Tu dors le premier morceau de la nuit ou le dernier ? Il a dit, moi, je vais dormir le premier, à Chatr al-Awwal. Je vais dormir la première partie de la nuit et je fais Qiyam, la deuxième moitié. Abbad, radiallahu anhu, il s'est dit, je suis debout. Je vais prier. Il a commencé à faire sa prière. Et quand il a commencé à lire Sourate la caverne, il commence à lire. Et derrière eux, quand ils sont sur le chemin du retour, il y avait un kafir qui les avait suivis. Donc, il les a guettés, il a pris son arc, Fat, il l'a envoyé. Il a vu que Abbad prenait garde, il lui a envoyé une flèche. Abbad, il est debout en train de faire sa prière, il la reçoit là. Il l'enlève, il la prend, il la jette. Ensuite, il reçoit un deuxième coup. Il le prend avec l'autre main, il le jette. Il se met dans sa prière. Jusqu'à ce qu'il reçoit un troisième coup. Il le prend, il le jette. Et s'il tombe, il s'évanouit, il réveille Ammar. Lève-toi. On essaye de nous combattre. Ammar, radiallahu anhu, il dort, il se réveille. Il lui fait, pourquoi tu ne m'as pas réveillé au premier coup que tu as reçu ? Il lui a dit, j'étais en train de méditer des versets que je ne pouvais pas arrêter. Et par peur que le prophète alayhi sallam soit touché, ainsi que le sahaba, j'aurais préféré terminer la sourate à même perdre la vie. À même perdre la vie. Donc c'est ça, est-ce que quand tu lis le Coran, Allah, est-ce que tu appelles à ce Coran ? Est-ce que tu le lis dans ta journée ? Est-ce que tu l'écoutes dans ta voiture ? T'as un MP3. Tu prends le bus, tu vas à l'école. Est-ce que tu mets ton hatch ? Ah, je vais écouter un mot. J'écoute quoi ? Je lis ? J'essaie de lire. Je ne sais pas lire l'arabe. Je regarde la traduction au moins en français. Est-ce qu'un jour, on a... Subhanallah, on sait pertinemment que chaque musulman sait pertinemment qu'il porte en lui la vérité. On porte en nous la vérité ou pas ? On porte la vérité en nous ou pas ? Oui. Et subhanallah, ceux qui n'ont pas la vérité, les gens de mécréance, ils défendent leur batil plus que nous. Parce que quand ils font le batil, ils ont plus de musulmans ou non ? Les musulmans qui ont le droit, ils ne font pas le droit de leur. عندك القرآن تابك صاد تابك في القرآن كي تبغى تجيء لجا وقاعد الخوفت عليه الصلاة والسلام كانت قريش إذا أنفاي أمي كريان بوا الخوفت عليه الصلاة والسلام اللي يجي يسيطوا اللي يجي يجي يقرأ دي فيرسي il a lu des versets. La personne est revenue voir les mécréants de Quraysh. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit la personne qu'on a envoyée, elle est revenue avec un visage autre que le visage avec lequel il est parti. C'est le bel bénédicte. Même s'il ne comprend pas, appelle à ce courant. Qu'est-ce que ما عندكش هذه الجرأة دابا، لأن المسلمين ما عندهمش هذه الجرأة باش يدافعوا على كتاب الله عز وجل. راه عندك صاحبي آيات في القرآن، يا أهل الكتاب واش أنتم من أهل الكتاب؟ واش أنت من أهل الكتاب؟ بنادم يدير حريرة في رمضان ولا يدير مسمن يصيفطها راك تفرتيه. أدعي بالقرآن، أدعي بالقرآن. فوالا تا دي فيغتي Comme ça. Pas des versets, ces versets sont descendus, mais ils ne sont, sont pas pour nous. Ils sont pour vous. Voilà. Ok. Qu'est-ce que les musulmans, ils n'ont pas cette. Ils n'ont pas la certitude en eux. Ils ont la vérité. Tu n'as pas de l'islam. Tu n'as pas de l'islam. Tu n'as pas de l'islam. والله المسلمين راهم يتلاجوا بيناتهم rien que ils se mordent entre eux sur des choses futiles au lieu d'avancer de s'instruire d'apprendre d'avoir une science ils sont toujours à l'arrière دائما المسلمين كما قال احد الشعراء استيقظ المسلمون ولكنهم مقيدون بثياب النوم لا فاقل المسلمين ولكن المزاين العالم إذا لم يقل الحق ولم يبلغ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية ما قالش يا أيها العلماء كل واحد راه عنده قدر اللي يبلغ بلغ أرى الله عز وجل راك انت عيسى سبب أرى الله عز وجل هو اللي تنصر دينه انت يحطك سبب الله عز وجل راه قادر يجعل الناس كلهم مؤمنين ولكن هادشي كلشي باش يبتليك انت وانت يشوف انت اش دير سي الله عز وجل فاكوك تفوزي ان ايغور وان بيشي اي تو بينيسي دو دو سويت مي الله عز وجل تولات بوغ سا كو بارابور او كوران جوفيم سور لو فيت دو با لو ديليتي دونك تابيل ا تو كوران اي تو تورن با لو دو او كوران اي اون ا فيو ليستوار دو Dhul Khuwaisera, une personne qui est venue voir le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, pendant que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de faire un partage de butin de ghanima. Kana yaqsimu qisma, faja'a rajulun ismuhu Dhul Khuwaisera. Faqal, i'dil ya Muhammad. Il lui a dit, ya Muhammad, sois juste. Qu'est-ce que tu as dit le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, sois juste. Kun i'dil. Yani, qsam. هذا الشيء يكون مزيد لا هذا لا هذا ما تفضل لا هذا لا هذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويلك ومن يعدل إذ لم أعدل قد خبت وخسرت إذ لم أكن أعدل قال لهم كيفاش أنا؟ قال لهم كيفاش ما نعدلش فقال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضئ هذا رجال يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم يعني إذا سوغتيغ دو سيت بيغسون لا des hommes qui vont lire le Coran, qui ne va pas atteindre, ce Coran n'atteindra pas leur cœur. Et de là à la fin. Et Joubaïr ibn Mut'im, il dit, il a pris avec le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, hadith inda muslim, حيث عند مسلم إلى prié avec le prophète عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح صلى جبير بن مطعم مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح فلما فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بسورة الطور فلما بلغ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال كاد قلبي أن يطير quand il arrive à la parole d'Allah عز وجل est-ce qu'ils ont été créés de rien ou c'est eux les créateurs Il a dit, mon cœur, il a failli voler. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Est-ce que vous êtes créé de rien ou c'est vous les créateurs ou c'est vous les créateurs Il a dit, mon cœur, il a failli voler. Kada qalbi ayyam. Wa rawa al-Asma'i, rahmatullahi alayhi, annahu ja'ahu a'rabi min Mosul fil Iraq, fa qala lahu يقال أن لله كلام قال نعم فقال له اقرأ علي بعضه فقرأ فتلا قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وفي السماء رزقكم وما توعدون. أعرابي قال له وفي السماء رزقنا؟ قال عندي إبل. قال له أجي قطعها معايا ونزعوها. قطعها قال لي في الرواية قال لك وزعوها بجلدها. ذهبت الأيام وتلاقى الأصمعي مع هذا الرجل الأعرابي بالعجل. قال له أنت أين تلاقيت معاه وقريت عليه وما في وفي السماء رزقكم وما توعدون. إي فوتخ سوبيستانس إلي دون لو سيال. Et ce que Allah vous a promis. Il lui a dit, ouais, c'est moi qui t'as lu le verset. Il lui a dit, est-ce que tu peux me continuer et me lire un autre verset? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, ouais, dans le ciel, il y a votre subsistance. Est-ce que Allah vous a promis? Comme, et Allah Azza wa Jal jure par sa création, il a juré par les cieux et la terre. Comme quoi c'est une vérité, comme si vous parlez. Arabi, il a dit, attends. Qu'est-ce qu'il a mis Al-Jabbar, qu'est-ce qu'il a mis Allah Azza wa Jal, pour qu'il nous jure que notre subsistance, elle est dans le ciel. On y croit. Allah Azza wa Jal est comme l'éna. Je ne sais pas. الله سبحانه الرزاق شكون هو؟ الله الذي رزق هو الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فله معيشة ضنكا. Et celui qui se retourne, qui dort et qui tourne le dos à mon rappel, il aura une vie pénible. Il aura une vie pénible. Plus tu t'éloignes de l'invocation d'Allah Azza wa Jal, et plus tu auras une vie pénible. Et Allah Azza wa Jalla dans sourate Al-Hadid, il dit: Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq. Est-ce qu'il n'est pas temps que ceux qui ont cru, leur cœur se raffermisse par l'invocation d'Allah Azza wa Jalla et ce qui a été descendu comme vérité? Est-ce qu'il n'est pas temps que ton cœur se raffermisse par l'invocation d'Allah Azza wa Jalla et de ce qui a été révélé comme vérité? Il n'est pas temps? Et Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit, si tu entends dans le Coran, comme on a vu dans le prêche du vendredi, si tu entends dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il dit, Ya ayyuha alladhina amanu. Ibn Mas'ud, il dit, prête-y l'oreille. Car ce qui vient après, c'est soit une interdiction que Allah va t'interdire de ne pas faire, soit un ordre qu'il va t'ordonner de faire. إذا سمعت الله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك. نعم. فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا أي من تسمع يا أيها الذين آمنوا أنت يا أخي تقول شنو يقول لي الله هنايا. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. شو أمر الله باش توب. يا أيها الأنواق هذا نداء يا نداء للبعيد أيها للقريب. يا أيها الذين آمنوا دونك تانا او فو كي اشاك فوا كي تانتون او فو كي افي كرو دون لو كوران ابن مسعود يتجي بخيتي اتونسيون بخيتي طون اوغاي كار سي ان اوردر الله عز وجل طوردون بفير ou une interdiction qui t'interdit de ne pas faire. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.